Marion, bonjour. Oui, Alexis. Ce mois-ci, en Amérique du Nord, quelles sont les nouveautés? Eh bien, la principale se passe à Montréal, à la Cinémathèque québécoise, où il y a la reprise de l'exposition permanente « Forme en mouvement », qui met en avant le très riche fonds documentaire de la Cinémathèque et son rôle très important en matière d'animation. Il faut savoir qu'il y a quand même une carte blanche à Annecy cette année. Tout à fait, oui. De la Cinémathèque. Voilà. D'ailleurs, je me permets, passionnante avec plein de choses étonnantes, aussi bien de Jvank Meyer que du Disney, que du Chuck Jones. Enfin, une vraie vision du cinéma intelligente, d'animation intelligente. Et avec Raoul Barré, effectivement, aussi, qui a fait un rôle très important dans le cinéma et ailleurs. Mais bon, et il y a une exposition aussi toute petite qui lui est consacrée, mais là, on parle quand même de la grande, puisque c'est elle qui nous intéresse. Et cette exposition, elle se passe en trois mouvements assez intéressants qui vont permettre à tout le monde de pouvoir découvrir l'animation pour ceux qui ne la connaissent pas, et pour ceux qui la connaissent, d'approfondir leur découverte technique, on va dire. Mmh. La première zone, comme il l'appelle, c'est le principe de l'animation. Donc on découvre toutes les techniques un petit peu primaires, on va dire, de l'animation. Comment est-ce que ça bouge, la 3... Voilà. Et la deuxième zone est consacrée aux grands personnages de l'animation. D'accord. Pour les personnes qui ne sauraient pas trop qui sont les grands fondateurs de ce mouvement du 7e art. Et la troisième zone est beaucoup plus intéressante à mon avis, puisqu'elle considère un petit peu tout l'aspect artistique et innovateur, avec tous les personnages, on va dire, les plus décalés, et ceux qui ont créé une technique un petit peu différente et qui ont fait des choses peut-être pas forcément très formatées, mais qui font évoluer les techniques et les pensées. Voilà. D'accord, donc une... On va dire une vision, en effet, pas historique, mais en tout cas qui permet d'amener les gens petit à petit à ce qui va être de plus audacieux dans l'animation. Voilà, une évolution progressive pour que tout le monde puisse rentrer dedans avec douceur, on va dire. Bon. Voilà. L'exposition est ouverte depuis combien de temps? Enfin, réouverte donc depuis combien de temps? Elle est réouverte depuis un mois environ, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres coupures. Elle devrait durer au minimum 4 ans, selon Marc Deblois de la Cinémathèque. Donc voilà, de belles jours en perspective. Bon, puisque tu as la chance de rencontrer Marc Deblois, il n'y a pas de prévision de faire venir cette exposition en Europe par hasard? Non, a priori, c'est vraiment une exposition pour valoriser le rôle de la Cinémathèque et qui donc devrait rester à l'intérieur des murs de la Cinémathèque. Bon, dommage. Mais donc, pour tous les auditeurs, dès qu'on va à Montréal, en fait, il faut aller à la Cinémathèque québécoise pour voir l'exposition. Ouais, exactement. Bon, parfait. Quoi d'autre en animation? Il y a évidemment, je suppose qu'il n'y a aucune raison, Madagascar doit aussi cartonner à Montréal. Effectivement, Madagascar est ici depuis environ 2 semaines, un peu comme moi, et il cartonne. Dès la première semaine, il a cartonné. Tout le monde se précipite dessus, donc bon show business en perspective. Oui. Un film très fun, on en a déjà parlé en effet à Bout de Rêve lors de la dernière émission consacrée à Annecy, puisqu'il vous présentait à Annecy. Bon, bah, parfait. Eh ben, ouais. Déjà une bonne... Bonne exposition pour la première. Ah oui, c'est exactement. Il faut vraiment aller le voir si jamais vous faites un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. C'est vraiment, ça vaut le coup. Bon, parfait. Puis bien donc pour les prochaines projections, Marion nous rejoindra en fait tous les mois pour nous faire sa petite chronique. On aura un peu des nouvelles de tout, aussi bien des festivals. Il y en a, tu sais, s'il y en a des très beaux comme Ottawa, à Montréal, il y a le Festival du Nouveau Cinéma qui doit représenter pas mal de cinéma d'animation, Vancouver, etc. Et puis toutes les nouveautés. Toutes les nouveautés, et puis éventuellement d'autres nouvelles techniques où on verra pas forcément se limiter aux films et aux expositions. Ouais, ce sera avec plaisir. Et merci beaucoup, Marion, et puis à bientôt, donc au mois prochain. Ok. Merci, au revoir.